Pardon, monsieur. Je fais une enquête sur les loisirs des Français. Vous pouvez répondre à quelques questions ? Oui, bien sûr. Alors, vous avez quel âge, s'il vous plaît ? 26 ans. Vous faites du sport ? J'ai fait du sport, mais aujourd'hui, non. Je n'en fais plus. Ah, d'accord. Le week-end, est-ce que vous sortez beaucoup, un peu ou pas du tout ? Je sors beaucoup. Avec des amis ? En famille ? Avec mes amis. Qu'est-ce que vous préférez ? Aller au cinéma, au théâtre, à l'opéra ou dans les musées ? J'aime beaucoup le cinéma. J'aime bien le théâtre aussi. Mais l'opéra et les musées, non, je déteste ça. D'accord. Le soir, après le travail, vous préférez lire un livre, un journal, un magazine ou regarder la télévision ? Je préfère lire. Ah oui, lire. Je n'aime pas beaucoup regarder la télé. Ah bien. Avec vos amis, où est-ce que vous dînez en général ? À la maison, chez vous ? Chez eux ou au restaurant ? Ah, chez moi. J'aime bien. J'adore faire la cuisine. Et après le dîner, vous sortez dans les bars, dans les discothèques ? Dans les bars, oui. Dans les discothèques, non. Je n'aime pas beaucoup danser. Très bien. Merci, monsieur.